personne pour me faire chier. Je suis dans le vague, concentré. Enfin je peux travailler. Tu vas me faire chier. Un connard ou une connasse m'appelle. Me dit, s'il te plaît, faut que tu m'aides. Viens à mon secours, me débloque. Sans toi, j'avance pas. Je suis dans mon froc. C'est mon devoir, je dois y aller. Répondre aux besoins pour lesquels je suis appelé. C'est mon boulot, c'est pour ça que je suis payé. Je prends sur moi. Allez, j'y vais. De mon cœur le nom.